sentir ton cœur dans mes bras pour que tu t'envoles avec moi sans qu'on tombe. Pour que l'on reste encore ensemble pour ne plus que tes mains tremblent à la longue. Même si la fusion de nos âmes reste en équilibre instable, car demain, comme quand tu souffles dans mes mains, on s'en ira loin, très loin, trop loin. We were just sitting in your sofa, mandatory, standing all night long to live a life so green. On y restera tous les deux, assis là dans les yeux bleus de ton divan. On s'allongera dans du noir, de l'orange et de l'espoir pour longtemps. Oh, tu viendras avec moi afin que je ne t'oublie pas sur la route qui m'éloignera de toi pour me reconduire dans tes draps sans aucun doute. We were just walking in your sofa mandarin, building a new world without aspirin. Je voudrais que l'amour dure encore et qu'il dure pour toujours, pour toujours. Juste pour la lumière de tes yeux, pour tes cheveux si brillants d'or et sans retour. Nos atouts et nos aveux qui se perdaient dans nos jeux si imparfaits. Pour entendre ton rire résonner entre les murs de ma cité d'Angelais. Pour sentir ton cœur dans mes bras pour que tu t'envoles avec moi sans qu'on tombe. Comme quand tu soufflais dans mes mains, on repartira loin, très loin dans ton monde. Thank you.